Le premier grand chef de ma tribu s'appelait Aigle Noir. D'un seul coup de poing, il a batté un bison en lui brisant les reins. Aigle Noir. Guerre après guerre, les Blancs se sont installés et ont changé jusqu'au nom des hommes. C'est ainsi que notre village, nous avons eu George Washington, Aigle Noir, Franklin Delano Roosevelt, Aigle Noir, John Fitzgerald Kennedy, Aigle Noir. Et moi, je m'appelle Aigle Noir et mon fils s'appellera Aigle Noir. Notre petit village s'appelait Yucatapa. Yucatapa. L'île verte. Ils en ont fait New York. Mais moi, j'habite à Yucatapa, en plein milieu de leur New York. Nos femmes et nos rivières, nos femmes et nos rivières, ils ont noyé nos terres, ils ont noyé nos terres, ils ont brûlé nos dieux. Avec leurs chaînes d'or et leurs chaînes d'acier. Et quelquefois je rêve. Je rêve que je vole au-dessus de la ville pourrie. Et je revois Yucatapa, l'île verte. Et de cette île verte montent des fumées, alors je redescends, tousser avec les autres. Je redescends, tousser avec les autres. Je marche. Je marche dans Broadway qui serpente comme un sentier de la guerre. Où sous chaque pavé, il y a une hache de guerre qui attend. Et quelquefois, je sens un arc dans mes mains et je vise le haut d'un building. Monsieur Rockefeller! Ma flèche! Et Monsieur Rockefeller tombe du haut de son empire, ma flèche dans son œil. Crevé de Monsieur Rockefeller, qui tombe et retombe. Indiens mes frères, ils ont souillé nos femmes et nos rivières, nos femmes et nos rivières, ils ont noyé nos terres. Ils ont brûlé nos dieux. Indiens mes frères, ils ont gagné. Et voilà. Je suis au milieu de la prairie de mon grand-père. La prairie de mon grand-père qu'ils ont appelée Times Square et qui est grasse de pétrole et de rouge à lèvres, là où couraient les chevaux. Personne ne me regarde. Personne ne me voit. Je suis indien, je n'existe pas. On ne respecte pas un indien sans ses plumes. Et pourtant, ils sont chez nous, mes frères. chez moi, mes frères.